Chapitre 21e. Cruelle révélation. Ces divers incidents auxquels les deux frères se trouvèrent mêlés à titre de docteur et d'ami ne les détournèrent point cependant du but qu'ils s'étaient fixé. Mais la tâche se compliquait de plus en plus, et ils voyaient avec chagrin qu'ils auraient beaucoup plus de mal qu'ils ne le supposaient tout d'abord à accomplir cette mission de loyale réparation. Maître Grillard d'ailleurs, en leur donnant ce qu'il appelait de bons conseils, les avaient prévenus des difficultés qui les attendaient. Cela ne les rebutait pas cependant. Avec le concours de M. Brunel, qui montrait en cette occasion le plus louable dévouement, et les indications de Paulin Broquet qu'ils consultaient, en secret toujours, pour tous les cas embarrassants, ils espéraient arriver néanmoins à leur fin. Parmi les dossiers qui devaient demander le plus de temps à établir, se trouvait celui que, précisément, pour des raisons spéciales facilement devinées, ils eussent voulu voir en premier reconstitué, le dossier Ménardier. Or, de ce dossier, un des plus anciens, sinon le plus vieux que M. Brunel eût à étudier, presque rien, ou des morceaux disparates, sans cohésion, n'existaient. M. Brunel trouva bien dans un des premiers registres de la Banque Montreuil, en regard du nom de Ménardier, un chiffre accusant 2 millions, mais sans indication autre. « Portez ces 2 millions, » dit Raoul après avoir consulté son frère, « à l'avoir de Madame Ménardier. » Il ajouta douloureusement, « D'après ce que nous connaissons maintenant par les autres dossiers, il est à présumer que ces 2 millions ne constituent pas un versement opéré par notre père, mais plutôt un encaissement, » appuya Robert. « C'est mon avis, » déclara le chef de la comptabilité. « Si cette somme avait été versée par M. Montreuil, nous en retrouverions le reçu, or aucune pièce n'existe. » « Peut-être, » fit l'avocat, « sommes-nous en présence de la somme confiée à notre père par son ami Ménardier. Peut-être voyons-nous en elle ce que l'avocat du malheureux M. Ménardier appela l'origine de la fortune du banquier Montreuil, basée sur le manque de parole, sur le vol et sur la mort d'un honnête homme. « Monsieur Raoul, voulait dire M. Brunel, ne dites pas cela en parlant de votre père. Hélas ! Ces paroles ont été prononcées en plein tribunal, et elles sont imprimées. Il nous semble, à mon frère et à moi, qu'elles sont maintenant gravées au feu sur notre poitrine. Allons, monsieur Brunel, poursuivons notre tâche pénible. Et portez ces 2 millions au compte de madame Ménardier. Faites le décompte des intérêts. Tâchez ensuite de retrouver le chiffre de la vente des propriétés de monsieur Ménardier, de son usine, et portez tout cela à l'avoir de la veuve, des 2 orphelines. Puis, ces comptes bien établis, nous ferons tenir à ces dames la fortune qui leur appartient et que M. Ménardier avait confiée à notre père. Bien, messieurs, mais cela demandera quelque temps encore, car dans notre tâche, il ne faut commettre aucune erreur. J'ai besoin de réunir d'autres documents, diverses pièces que, probablement, je retrouverai chez Maître Grillard ou chez Maître Béjanet. Nous nous en rapportons fidèlement à votre diligence, à votre dévouement. Cependant, il fallait procéder doucement et agir discrètement pour que rien ne transpirât au dehors avant le moment où l'on aurait acquis toute certitude. Il était en effet à redouter que le bruit du projet des 2 frères se répandant, on ne vit tomber sur la banque Montreuil une nuée de gens ayant eu quelque rapport avec le banquier et se prétendant lésés, volés, dépouillés par lui. Ce serait un chantage odieux dont les 2 frères devaient à tout prix éviter le scandale. Ils espéraient réparer les méfaits de leur père complètement, absolument, mais M. Brunel voulait les garantir contre toute espèce d'exploitation qui ne manquerait pas de se produire. Robert et Raoul tenaient aussi bien par-dessus tout à ce que rien de ce travail ne parvint aux oreilles de leur mère, de leur sœur Raymonde, d'autant qu'ils espéraient que rien ne leur ferait supposer la ruine que ces réparations entraîneraient. Nous, les garçons, toi, médecin, moi, avocat, nous nous tirerons toujours d'affaire. Évidemment, mais Raymonde. Ah, Raymonde, douloureuse question. Son mariage avec le capitaine de Rennebois pourra-t-il se faire maintenant? Devrons-nous lui dire pourquoi elle n'a plus de dot et lui révéler ce qu'était son père? Non, non, jamais, qu'elle ignore tout. Que ma mère également ne sache rien, rien. D'ailleurs, à quoi bon? Ce serait inutile. Peut-être arriverons-nous, ayant tout sacrifié à sauver l'honneur, à conserver cependant assez pour assurer le mariage de Raymonde. Espérons-le. Toi et moi, nous lui donnerons ce qui pourra nous revenir dans cette débâcle. Naturellement, et de plus, elle aura encore notre part dans ce que notre mère a apporté à son mari. C'est juste. Ainsi, nous lui reconstituerons une dot, sinon aussi forte que celle que le capitaine pouvait espérer, du moins encore très acceptable. Oui, nous, dans notre pauvreté qu'elle ignorera, nous aurons cette joie d'avoir assuré le bonheur de Raymond et de voir que dans ce désastre, il y a au moins une heureuse. Quant à Madame Montreuil, elle ne devait se douter de rien et ne jamais apprendre quoi que ce fût de ses tristesses. M. Brunel assurait que les revenus de la banque, en tant que revenus honnêtes et hautement avouables, suffisaient amplement à maintenir le train de maison auquel Madame Montreuil et Raymond étaient habitués. Mais un jour, comme ils se trouvaient encore à la banque, Raymond, croyant les surprendre, vint rue des Mathurins pour leur demander de l'accompagner dans une course qu'elle voulait faire en quelque grand magasin. Le domestique qui gardait l'appartement dit à Raymond que probablement ces messieurs ne tarderaient pas à rentrer. Raymond pensa qu'elle devait attendre ses frères. Ne pouvant aller seule s'il rentrait trop tard pour l'accompagner, elle remettrait sa course et elle se laisserait reconduire par eux à la maison à l'heure du dîner. Elle se faisait une joie de cela. Donc elle pénétra dans le salon commun qui servait de bureau aux deux frères. C'est là que, sur une grande table, ils avaient disposé les journaux et les dossiers qu'ils formaient sur les divers procès de leur père, dont ils prenaient connaissance. Personne n'entrait dans ce salon. Mais le domestique ne crut pas que l'ostracisme rigoureux concernait également la sœur de ses maîtres. Il laissa Raymond pénétrer dans le salon. Par désœuvrement, la jeune fille prit au hasard un des journaux sur la table. Machinalement, elle jeta les yeux sur la colonne qu'un trait au crayon bleu signalait à l'attention. Raymond poussa un cri, de surprise, d'étonnement, d'angoisse et de douleur. Et comme fascinée par cet article, elle lisait à mi-voix, semblant ne pas croire ses yeux et avoir besoin en outre d'entendre ce qu'elle lisait pour y ajouter foi. Dans cet article, on parlait de la façon dont M. Montreuil avait fait sa fortune, de ses débuts douteux, de l'affaire du dépôt nié, de la mort de M. Ménardier. On appelait le genre d'opération du banquier de la rue Lepelletier usure. Plus que cela, vol. Usurier? Voleur? Mon père, un voleur? Dit Raymond. Mon père a causé la mort de M. Ménardier? Le suicide d'autre client? La ruine de plusieurs familles? Mon père? Mon père? Et Raymond, qui adorait et vénérait son père autant que le faisaient ses deux frères, ressentit à cette lecture révélatrice la même douleur épouvantable, le même accablement moral que Robert et Raoul. Mais, énergique, loyale, elle n'écouta pas sa douleur et voulut connaître, comme ses frères, toute la grandeur du malheur qui la frappait, dans le souvenir honteux de son père jusque-là vénéré. Après ce journal, elle en prit un autre, puis un troisième, et elle lisait, fiévreusement, douloureusement, se hâtait de lire pour sentir plus vite s'accroître en son âme déchirée cette odieuse souffrance. Dans chaque compte-rendu, un aspect nouveau du caractère de son père lui apparaissait, et plus clairement, lui était démontré l'infamie de sa vie. « Si ce n'était mon père, disait-elle, je dirais que cet homme est un criminel, mais c'est mon père. » Elle lisait si attentivement qu'elle n'entendit pas la porte du salon s'ouvrir. Robert et Raoul apparurent. Ils virent Raymond tenant en main un journal, mais espérant qu'elle n'avait pas eu le temps de trouver l'article qui consignait leur honte, ils se précipitèrent pour lui arracher la feuille des mains. « Raymond, Raymond » s'écrièrent-ils, « ne lis pas cela. »« Trop tard !» fit douloureusement la jeune fille. « J'ai lu, j'ai tout appris. » Et les yeux pleins de larmes, elle se jeta dans les bras de ses frères. « Quelle honte, quelle honte !»« Cher Raymond, nous qui espérions que tu ne saurais jamais. » Raymond se redressa. « Pourquoi ? Pourquoi me cacher cela ? Ne suis-je pas votre sœur ? Et n'ai-je pas une part égale à la vôtre dans l'héritage de notre malheureux père? Je la veux, je la réclame, que ce soit en fortune, en gloire ou en déshonneur. Ne dis pas ce mot, Raymond. Oh, n'ayons pas peur des mots, les faits sont là, et je bénis le hasard qui m'a permis de connaître cela ici, chez vous. Je pouvais l'apprendre d'ailleurs publiquement, et me sentir accablé devant tous sous le poids de cette atroce révélation. Cher Raymond, qui aurait osé devant toi, une jeune fille? Tu n'es pour rien dans tout cela. Pas moins que vous, mes frères. Et quand nous voyons les plus vénérés commettre de telles infamies, à quelle lâcheté, à quelle basse vengeance, ne devons-nous pas nous attendre des autres? Écoute, nous allons t'expliquer. Pardon. Nous avons déjà reçu un terrible soufflet de l'opinion publique le jour de l'enterrement de notre père. Je n'ai pas oublié. Et je cherchais à savoir. Toi aussi? Oui. J'étais loin de soupçonner la vraie raison. et je serais, ne la connaissant pas, allé encore le front haut, fier de mon nom. Ne me doutant pas que sur mon passage, on me regardait avec haine, on murmurait le nom de mon père avec mépris, et qu'on pouvait dire que mes vêtements, que mes bijoux de jeune fille, ma voiture, mon luxe, étaient payés par le vol, l'usure, la mort. Tais-toi, Raymonde, tais-toi, tu n'as pas le droit de dire cela. Non, mais je puis empêcher la foule de le dire, et c'est là ma plus grande douleur. Puis, au bout d'un court moment, après avoir essuyé vivement ses yeux, elle dit à ses frères, « Et maintenant que nous savons cela, qu'allons-nous faire pour qu'on ne le dise plus? Car il ne faut plus que cette infamie pèse sur notre nom. Ce que nous allons faire, oui, car enfin, pas plus que moi, vous ne voulez, n'est-ce pas, conserver cette fortune acquise par ces moyens, vous ne le pouvez pas, en effet. Qu'avez-vous décidé, de la rendre? Oui, de la rendre. Parfait, comment? Nous réunissons les dossiers des clients malheureux de notre père. Nous leur remettons leur argent avec les intérêts depuis leur emprunt. À ceux qui ont payé, nous rendons la différence du prêt, les intérêts usuraires prélevés. Ainsi, tout l'argent mal acquis sera remboursé. Tout. Mais nous devons avertir Raymonde que nous serons à peu près ruinés. Nous ne devons pas nous arrêter à ce détail. Il faut racheter notre honneur et celui de la mémoire de notre père, et s'il le faut, sacrifier à cela notre dernier billet de 100 francs. Mais tu n'auras plus de dot. Tant pis. C'est ton mariage détruit. Pourquoi? Si Fabien de Rennebois rompt avec moi parce que je n'ai plus de dot, c'est qu'il aimait non sa fiancée, mais son argent. Or, comme je veux un mari qui m'aime et que je puisse aimer, je mépriserai celui-ci. Mais je ne crois pas que j'ai cette douleur à redouter. D'ailleurs, je préviendrai moi-même Fabien. Tu auras cependant la fortune de notre mère. Raoul et moi, nous te donnons notre part. Du tout, du tout, insista Raymonde, je dirai à Fabien ce qui est. Tu ne lui feras pas cependant part de ceci. Pardon, je ne dois rien cacher à mon fiancé, et je ne veux pas que mon mari ait un jour, en apprenant la vérité, à rougir des parents de sa femme. Sans doute, mais si Fabien ne comprend pas et se retire en apprenant le malheur qui nous frappe, c'est que son cœur n'est pas à la hauteur du nôtre, c'est qu'il n'est pas digne d'être votre frère. Alors, ce ne sera pas lui qui s'éloignera de la fille d'un usurier, c'est moi qui congédierai comme il le mérite ce coureur de dot. Raoul et Robert serrèrent tendrement les mains de leur sœur dont le noble cœur venait si simplement de se manifester. « Souhaitons, dit Raoul, que ton fiancé réponde à nos espérances et soit digne de toi. Aie quand même confiance. Quoi qu'il arrive, nous saurons assurer ton bonheur. » Une nature franche et spontanée comme celle de Raymonde ne pouvait demeurer longtemps dans l'expectative quand un problème aussi grave, aussi sérieux que celui-ci se posait. Sa vie en dépendait. Elle voulut, le plus tôt possible, en avoir la solution, dût-elle, cette solution, lui causer une douleur effroyable. « Mais, se dit-elle, je suis maintenant appelée à toutes les peines, à toutes les humiliations, à subir toutes les lâchetés, puisque je suis pauvre. » Dans la soirée, elle envoya, avec l'autorisation de sa mère, une invitation à déjeuner pour le lendemain à Fabien de Rennebois. Raymonde s'attendait à recevoir le télégramme de réponse du capitaine annonçant sa venue prochaine et sa joie de venir. Elle connut ce jour-là sa première douleur. Ce fut peut-être la plus cruelle, celle qui atteignit plus spécialement son cœur et qu'elle devait seule complètement ressentir, que nul avec elle ne pouvait partager, car elle venait de son amour et l'atteignait dans cet amour même. Le capitaine envoya, certes, un télégramme de réponse, mais ce télégramme disait que, retenu par une urgente et impérieuse affaire de service, il avait le regret de ne pouvoir se rendre à la gracieuse invitation, qu'il priait qu'on l'excusât, qu'il espérait venir plus tard présenter lui-même ses regrets. Raymonde pâlit en prenant connaissance de ce message. Ce fut pour elle un coup effroyable, mais pas une larme ne vint à ses yeux. Avec un sourire triste, elle tendit le télégramme à ses frères et elle répondit à sa mère. « C'est fâcheux. » Très fâcheux. Fabien ne peut venir, il est retenu par une affaire de service imprévue. Oh, tout à fait imprévu. Il viendra probablement de ses jours nous exprimer ses regrets. Robert et Raoul lurent le télégramme et leur pensée fut que le capitaine avait appris quelque chose. Le bruit que les fils Montreuil remboursaient l'argent volé par leur père pouvait déjà courir. Il avait dû parvenir aux oreilles du capitaine, plus que tout autre intéressé à cette affaire, car c'était, il s'en douterait, à peu près la ruine de sa future famille. Se trouvant seul avec Raymonde, ils essayèrent de la consoler. Mais Raymonde répondit fièrement, « Certes, Ce télégramme confirme nos doutes douloureux. Mais jusqu'à preuve absolue du contraire, je ne puis m'imaginer que l'homme que j'aime, que celui qui est encore mon fiancé, a une si vilaine âme. C'est la première fois, évidemment, que Fabien me répond de la sorte. Mais il se peut qu'il y ait là une pure coïncidence. D'ailleurs, nous devons croire à ce qu'il nous dit et attendre ses explications. Si je me suis trompé en donnant mon affection à Fabien, je réparerai mon erreur en la lui retirant et en la reportant plus grande sur vous, mes frères, et sur notre chère mère. Raoul et Robert durent se retirer, laissant leur sœur attendre la justification de son fiancé. Ils se rendirent à la banque où M. Brunel les rejoignit avec de nouveaux dossiers. Dans l'après-midi, le capitaine de Rennebois se fit annoncer chez Mme Montreuil. Le capitaine se montra affectueux comme chaque fois qu'il venait dans sa future famille, avant qu'elle fût frappée par ces dramatiques événements. Raymonde le regardait, l'étudiait. Elle ressentit une grande joie car elle retrouvait le Fabien qu'elle connaissait, le fiancé qu'elle aimait. Mais ne savait-il rien de la vérité, de la situation nouvelle, et serait-il encore, quand il l'apprendrait, ce Fabien qu'elle voyait maintenant? Le capitaine expliqua à Mme Montreuil la raison qui l'avait empêché de venir déjeuner le matin. « Ah, madame, » dit-il en riant, « quel métier que celui de défendre le pays. Voilà qu'on s'est imaginé tout à coup que l'ennemi pouvait envahir la forêt de Fontainebleau. On nous a fait prendre les armes pour le dénicher sous les arbres. Ce fut une cavalcade très agréable, j'en conviens. Cependant, je songeais à vous, et je me disais que j'aurais très bien pu faire mon service en campagne un autre jour. Mais, madame, excusez-moi, nous avons sauvé la patrie. » Madame Montreuil accepta en souriant ses explications, puis, sous un prétexte quelconque, elle sortira, laissant seuls un moment les deux fiancés. Raymonde prétendit que ses frères l'avaient prié de venir les retrouver dans leur appartement, et elle dit au capitaine « Allons les surprendre chez eux. » Elle entraîna Fabien chez ses frères. Elle le fit entrer dans le salon qui se trouvait entre les deux appartements, puis elle ferma la porte.